Je cherche un accordéon. Putain, mais je suis en mono là. Il est où l'accordéon? En mono. Bon, c'est pas grave, j'ai pas chanté alors. Attends, je vais mettre l'accordéon.